Chapitre 23e. Des armoises, sans répondre, s'étaient dirigées vers la salle à manger et elles le suivaient pâle et inquiète. Quand il refermait la porte, il dit, d'un ton brusque, en se retournant vers elle, « Je viens de rencontrer Joseph, qui m'a fait un serment en 3 points pour me prouver que je dois t'épouser au plus vite. Est-ce ta mère qui a eu la pensée de le choisir comme ambassadeur, ou l'idée vient-elle de toi ?» Elle était si interdite qu'elle pouvait à peine parler. Et rougissant jusqu'aux oreilles, elle se bornait à balbutier les exclamations indignées. « Je comprends, » continua des armoises, « que vous pensiez toutes deux à ces choses-là, mais je ne vois pas la nécessité de mettre des étrangers dans la confidence. »« Joseph a menti !» s'écria violemment Angèle. « Ni ma mère ni moi ne l'avons vu depuis 15 jours. C'est une invention indigne !»« Il ne m'a point parlé en votre nom, » reprit René, qui se radoucit en voyant l'émotion d'Angèle. Mais le trouvant si bien informé, j'ai cru qu'il venait de la part de ta mère ou de la tienne. « Tu as cru cela, toi, René ? » répliqua-t-elle avec un tendre accent de reproche. « Tu as supposé que j'étais capable d'autoriser une pareille démarche ? » ?»« Mon Dieu, la supposition est naturelle. Notre position est fausse. N'est-il pas tout simple que tu cherches à la régulariser aux yeux du monde ? » ?»« Eh, que me fait le monde ? Le monde, pour moi, c'est toi seul. Pourvu que j'aie ton affection, peu m'importe l'opinion des gens. » Ma personne ne t'appartient-elle pas? Si je te l'ai donnée, c'est que je le voulais bien. Pour être ta femme, corps et âme, ai-je besoin du code et de l'écharpe de monsieur le maire? C'est une idée qui n'a pu pousser que dans le cerveau biscornu de Toussaint. Je n'entends rien aux calculs et aux précautions. J'ai confiance en toi et je t'aime, voilà tout. Et aujourd'hui même, quand tu es entré, je ne songeais qu'à une chose, c'est que j'aurai un enfant de toi et que je l'adorerai. Un enfant? Interrompit-il avec un léger haussement d'épaule. « Ne parle donc pas avec cette assurance d'une chose qui n'existe que dans ton imagination. »« Oh !» reprit Angèle impétueusement. « Elle existe en réalité, je le sens, et mes pressentiments ne me trompent jamais. »« Espérons, » dit René en se laissant tomber sur le divan d'un air agacé. « Que cette fois du moins ils te tromperont. » Elle le regarda, stupéfaite. « Pourquoi ?»« Parce qu'une pareille aventure compléterait ma brouille avec ma mère. » continua-t-il en s'abandonnant de plus en plus à sa mauvaise humeur. « Ce serait un embarras pour l'avenir et un malheur pour le présent. « Tais-toi !» s'écria-t-elle navrée. « Tu me fais peur !» Il releva la tête et vit Angèle, pâle et tremblante, qui le regardait avec de grands yeux pleins de larmes. Il comprit alors seulement qu'il avait été cruel. Ses instincts généreux se réveillèrent, et il tenta un effort pour réparer le mal qu'il avait causé. Il attira la jeune fille vers lui, la câlina doucement avec des mots tendres et de nombreux baisers. « Va, » murmura-t-il, « ma chérie, ne te désole pas. Quoi qu'il arrive, et en mettant les choses au pire, mon amour sera le même. Je me sens capable pour toi de tous les dévouements. » Dans son égoïsme inconscient, il s'imaginait être magnanime en disant cela, et il ne se doutait pas que ces mots élargissaient la blessure d'Angèle au lieu de la fermer. Il parla longtemps sur ce thème, entrecoupant de caresses et protestations de résignation et d'immolation. « Quoique poète, » continua-t-il en souriant, « et si difficile que soit un devoir, je me sens la force de l'accomplir tout comme un autre. Ma mère aura beau s'entêter, je ne lui céderai pas. Ce sera rude. Je la connais. Elle ne me donnera pas un sou. Elle essaiera de me prendre par la famine, parce qu'elle sait mes habitudes de confortable et me croit incapable de rompre avec mes fantaisies coûteuses. Mais elle perdra son temps. Et ne me fera pas broncher. » Il lui baisa gaiement les mains et elle-même eut un pâle sourire qui courut sur ses lèvres et s'y évanouit bientôt, comme ces rapides et blafards de soleil et de mars qui expirent entre 2 nuées. Loin de la rassurer, tout ce qu'il disait la concernait en lui montrant des horizons désolés qu'elle n'avait jamais entrevus. Elle sentait qu'avec la meilleure foi du monde, René n'envisageait déjà plus leur amour dans l'avenir que comme un désastre personnel. Lui se battait les flancs pour paraître insouciant et courageux, et sa gaieté forcée prenait des airs de bravade qui dépassaient le but. « Nous serons pauvres, » reprit-il. « Bah, nous nous en tirerons tout de même. Je ne pourrais pas te donner de belles toilettes, mais la soie ne fait pas le bonheur. Nous logerons sous les toits, et nous ferons notre ménage nous-mêmes. Quand nous irons à la campagne le dimanche, nous prendrons les 3e parce qu'il n'y aura pas de 4e, et nous emporterons un pâté pour dîner sur l'herbe. Toutes ces boutades qui voulaient être plaisantes et qui s'éteignaient noyées dans un fond de mélancolie serraient douloureusement le cœur d'Angèle. Le rire nerveux dont René les assaisonnait mettait encore plus en relief son effort pour égayer des détails prosaïques dont la seule énumération le rendait misérable. Il avait l'air d'un enfant qui goûte une médecine amère, avale une gorgée en souriant pour montrer son courage, et dont le sourire se termine brusquement par une grimace et une nausée. Angèle, silencieuse et immobile près de la fenêtre, écoutait ces mots cruels qui tombaient l'un après l'autre sur son amour comme les coups d'un marteau sacrilège sur une statue consacrée. Elle éprouvait une angoisse poignante, mêlée d'attendrissement et de pitié. Tandis que ses illusions s'envolaient avec un funèbre bruit d'ailes, elle entrevoyait la réalité dans sa nudité rigide et glacée. Cet homme qu'elle adorait serait malheureux à cause d'elle. Cet amour, qui était pour elle une transfiguration et une extase, serait pour lui une chute et un amoindrissement. Elle rêvait de faire de lui un dieu, et elle n'en ferait qu'un déclassé. Elle s'était tournée vers le jardin pour ne pas lui montrer ses traits altérés. Le front appuyé contre les barreaux de la fenêtre, elle pleurait, et lentement, ses larmes roulaient sur les feuilles des framboisiers. « Eh bien, tu ne dis rien ?» s'écria des armoises étonnées de son silence. Il alla près d'elle, effleura de ses lèvres les petits cheveux fous qui frisaient à la naissance de la nuque, puis, lui mettant doucement les mains sur les épaules, il la força de se retourner et vit ses larmes. « Tu pleures. Est-ce que je t'ai encore fait de la peine ? Sois tranquille, mignonne. Je m'arrangeai de façon à ne pas héberger toujours cette maussade pauvreté. Par le temps qui est court, la poésie ne nourrit pas son homme. Je me mettrai à la prose. » Il prit un air dégagé, pirouetta sur ses talons, puis, revenant vers Angèle et lui caressant les cheveux, « Tu verras. J'imiterai les gens qui vendent leur vieille argenterie pour acheter du Ruhls. Je fonderai ma joaillerie poétique. Je fabriquerai de jolis petits articles à la portée de toutes les intelligences et de toutes les bourses. J'assiégerai les boutiques des journaux. Je câlinerai les éditeurs. Ce sera bien le diable si la fortune ne grimpe pas de temps en temps chez nous. » Elle se retourna. Ses larmes avaient séché sur ses joues et sa résolution était prise. Elle vint à lui, l'entoura de ses bras et colla ses lèvres sur celles du poète comme pour y arrêter ce flot de paroles navrantes. Ce baiser à la fois triste et passionné, prolongé et solennel comme un adieu, donna le frisson à René. « Comme tes mains sont froides, dit-il, tu es glacé. »« J'ai un peu de migraine, répondit-elle en affectant de sourire. Je me serai mouillé les pieds au jardin. Aussi je me coucherai de bonne heure, et tu vas t'en aller. » Il était lui-même énervé et fiévreux. Ses traits trahissaient la fatigue morale causée par cette gaieté factice qu'il s'était imposée. Il saisit avec une hâte mal déguisée ce moyen de couper court à une conversation pénible. « Repose-toi, reprit-il, et surtout, tranquillise-toi. Je reviendrai demain. » Elle parut un moment hésitante et songeuse. « Non, murmura-t-elle, pas demain. C'est samedi, et la maison sera sans dessus-dessous. »« C'est que, fit-il, dimanche je serai retenu moi-même à Paris. C'est le jour de ma mère. Enfin, dans tous les cas, à lundi. Mais si tu étais souffrante, écris-moi. Oui, je t'écrirai. » Ils étaient arrivés à la porte du verger, envahis à demi par des rosiers trempés de pluie. « Avant de partir, lui dit-elle, cueille-moi un bouquet pour mes vases. » Il obéit, cueillit lentement une botte de roses et la lui tendit. Elle les lui fit respirer, puis, retenant un moment la petite main brune du poète au milieu des tiges humides, elle la porta brusquement à ses lèvres. « À bientôt !» s'écria des armoises en sortant du verger. « Adieu, bien-aimé » soupira-t-elle, mais d'une voix si faible qu'il l'entendit à peine. Il était déjà sur la route de Chaville. Debout, à la porte du verger, elle regardait la silhouette de René fuir et décroître sur la pente de l'avenue. Quand il eut disparu, elle referma la porte et monta précipitamment dans sa chambre. Rapidement, elle traîna une grande malle au milieu de la pièce, puis elle fouilla les placards, vida les tiroirs, et l'emplit de tous les objets qui lui appartenaient. Elle était décidée à quitter sur le champ et sans retour cette maison où avait habité le bonheur, et dont elle ne voulait conserver que des souvenirs heureux. En partant le soir même, elle arriverait à temps pour rejoindre sa mère, rue de Rennes, et une fois là-bas, elle irait s'enfuir dans un coin tellement ignoré que René ne la retrouverait plus jamais. Elle ne voulait pas accepter les sacrifices offerts par des armoises. Il ne fallait pas qu'on pût l'accuser d'avoir éteint ou amoindri le poète qu'elle adorait. elle trouvait une âpre douceur dans son abnégation, en songeant que, plus tard, du fond de son obscurité, elle le verrait s'élever et grandir, comme on voit monter une étoile. Quand la malle fut fermée, elle la fit descendre par la femme de ménage et un paysan se chargea de la transporter sur sa brouette jusqu'à la station. Angèle, restée seule, parcourut une dernière fois toutes les pièces de la maison, puis, jetant un châle sur ses épaules et prenant le bouquet de René, elle sortit par le verger, dont les feuillets secouaient lentement sur son fond leurs gouttelettes, comme des larmes. Le crépuscule tombait. Du côté de la plaine, le soleil couché avait laissé derrière lui de grandes barres d'un rouge sanglant qui tranchaient sur la teinte plombée des nuages gros de pluie. Angèle se retourna encore une fois pour contempler la chère maison, les chèvrefeuilles et les framboisiers des fenêtres, le verger plein de fleurs et de fruits, tout ce paradis perdu. Puis, sentant son cœur près d'éclater, elle franchit le seuil encombré de rosiers et referma la porte derrière elle. Et lentement, à travers les allées brumeuses du bois où les rossignols ne chantaient plus, elle s'éloigna, tenant serré contre sa bouche pleine de sanglots son gros bouquet de roses.